franceinter.com. Vincent Josse, Nicolas Demorand, Esprit Critique. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Objet Inutile. Et bonjour à tous. Dans un instant, une première dans Esprit Critique. Vous visiterez une bibliothèque dans un presbytère. Quel écrivain vit dans un presbytère? Michel Tournier. Eh oui, l'auteur du Roi des Aulnes, Michel Tournier. Mais tout de suite, Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. On connaissait le théâtre en appartement, on connaissait la musique en appartement, mais connaissait-on la danse en appartement? Non, et pourtant, ça existe. Il y a un danseur qui pratique ce type d'activité qui s'appelle Benjamin Duncan. Oui, alors comment faire connaître son travail sans attendre qu'un théâtre vous ouvre ses portes? Benjamin Duncan a trouvé la solution. Il vient danser à domicile, de la danse contemporaine en appartement. Évidemment, ça demande de l'espace, il faut bouger les meubles. Ce jour-là, c'était chez Étienne et Virginie. Lui enseigne la philosophie, elle travaille dans l'édition avec le danseur, avec Benjamin. Donc on est arrivé chez eux vers 16h. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Virginie. Étienne. Ce qu'on pensait, c'était mettre la table là-bas, un canapé, des chaises, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sol, pour que tout le monde puisse voir, et après c'est nickel, quoi. Moi, j'avais vu ce que Benjamin a fait chez un ami, et j'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça chez moi. Et je trouve ça assez sympa d'accueillir des artistes, parce que pour eux, c'est un moyen de montrer ce qu'ils font, un moyen supplémentaire, voilà. Et aussi, on s'est interrogé avec mon mari, et en fait, l'idée, c'est comme certains organisent un dîner ou une fête, ben moi, j'organise des spectacles. Déjà, on va voir si ce soir, ça se passe bien. Voilà, s'il n'y a pas de verre de vin renversé sur mon canapé, parce que là, ça ne va pas du tout le faire. C'est des détails un peu débiles, mais bon, en même temps, ça compte quand on reçoit du monde chez soi. Oui, mais regarde ça. Toi, tu veux jouer dans ce sens. Non, dans ce sens-là, c'est bien. Moi, c'est ça qui me plaît, en fait, dans ce projet que j'ai fait. C'est que je me sens libre de le mettre n'importe où, quoi. Il faut absolument penser à faire, débrancher le téléphone. En plus, avec l'appartement, ou là, par exemple, la cheminée, les petites peintures. C'est les personnages cachés de la pièce qu'on n'avait pas prévu, et ça c'est du plus quoi. Alors vous restez un peu là, comment ça se passe? Là moi je vais vous laisser installer. À tout à l'heure. Et là je les ai donc laissés préparer la scène. Je les ai laissés préparer le salon et je suis revenu 3 heures plus tard, rendez-vous dans la cour de l'immeuble, où attendent sagement une petite trentaine de personnes, prévenues de la prestation par courriel, 10 euros la place, des amis d'Étienne, des amis de Virginie, parmi lesquels Alice et Gaëlle. Elle vous a dit un petit peu à quoi ça allait ressembler ou pas? Non, pas du tout. À part la petite photo, voilà. On voit quoi sur la photo? C'est un fragment de corps, oui. Un torse, oui. Une oreille luisante. Et puis un petit texte est aussi distribué aux spectateurs. Un texte de Jean de La Fontaine. Le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Puis dans le noir, tout le monde est monté dans l'appartement. Et là, Vincent, il faut tout de même dire un mot du physique de Benjamin Duncan. 1m92 et une longue barbe brune. Noir total donc dans le salon, jusqu'à ce qu'un projecteur donne à voir une partie du corps du danseur allongé, totalement nu et recouvert de scotch. Il se tient d'abord en position fœtale, puis progressivement il se lève en poussant des cris d'animal. Il défait un à un les scotch, il se fait mal, il s'approche du public, puis du sang semble couler de sa bouche. C'est lors d'un récent séjour en Allemagne que lui est venue l'idée de cette performance. How Beautiful, ça s'appelle, performance inspirée notamment des clairs obscurs des tableaux de Caravage et du mythe de Narcisse. Je me suis enfermé en fait un mois dans un théâtre à Berlin et j'ai plongé dans le narcissisme. Pour moi, ça passait par la nudité, donc voir montrer des formes, montrer de la chair, aussi cette chair que l'on retrouve dans les tableaux de Caravage. Donc j'ai travaillé seul avec ma caméra, sans regard extérieur, donc je me regardais un petit peu toute la journée faire des beaux mouvements, à me donner la nausée de toute cette beauté et d'aller encore plus loin encore dans cette flaque-là de narcissisme. Parce que j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de ce narcissisme. Et je me suis rendu compte que c'était la solitude. Alors le spectacle est assez beau. Déroutant également, c'est tout de même un garçon tout nu au milieu d'un salon. Déroutant mais très poétique lorsque soudain de la fumée blanche envahit la pièce et que le danseur apparaît coiffé de bois de cerf. On retrouve ici la fable de La Fontaine. Et alors comment réagit le public? J'imagine qu'il est un petit peu surpris. Eh bien, très vite, les gens se relèvent et se retrouvent autour d'un verre. C'est le principe de la soirée. On applaudit le danseur et après, on boit tous ensemble. Il y en a qui ont adoré. immense, il est très musclé, il a un dos somptueux. Pour ma part, c'était une expérience unique. Intrigant, angoissant, bizarre. C'est l'homme animal, le Christ qui souffre. Quand il s'est approché dans le noir, Je lui ai dit, attention, je vais hurler. S'il fait un pas de plus, je vais hurler. Voilà, là, ça t'a fait un peu peur. Ça t'a fait peur. Le maître de maison, il dit quoi ? C'est un drôle de truc, c'est que ce soit chez nous, que ce soit pas dans une salle de théâtre, c'est assez troublant et assez émouvant en fait. Il a sali un peu votre parquet. Ouais, il y a du sang, ça c'est encore mieux. Du sang et du vin rouge. Du sang et du vin rouge sur le parquet, mais le canapé est épargné. Puis j'ai retrouvé Alice et Gaëlle. Alice et Gaëlle qu'on entendait tout à l'heure, les amies de Virginie, elles, je ne les ai pas trouvées totalement conquises par la prestation. Je trouvais qu'il y avait des beaux tableaux. Mais ça m'a pas remué. Je me dis, si on enlève le scotch, si on enlève l'éclairage, si on enlève les cris, qu'est-ce qui reste ? Et de faire ça dans un appartement, devant des gens qui se connaissent plus ou moins, ça a un côté un peu limite exhibitionniste. Ce qui était intéressant, en fait, plus que le spectacle en lui-même, c'était la démarche de venir chez quelqu'un pour voir un spectacle. Moi, ça me faisait penser à Eyes Wide Shut avec Nicole Kidman et Tom Cruise. On est dans un lieu un peu feutré où il y a des gens qui se réunissent sans se connaître tous pour une activité plus ou moins secrète. Eyes Wide Shut, ça se termine en orgie. Ouais. Là, ça s'est pas terminé en orgie. Enfin, on n'est pas encore parti. Et là, moi, je suis parti, Vincent. Et je ne crois pas que cela se soit terminé en orgie, non. La maîtresse de maison Virginie était ravie de la soirée. Pour la prochaine, elle invitera un comédien. Quant à Benjamin Duncan, il recherche aujourd'hui de nouvelles scènes. Avis aux amateurs, il suffit donc d'avoir un appartement, un salon assez grand et de ne pas tenir trop à son parquet. Pour le contacter, on le joint sur un blog, c'est ça ? Il va créer un blog. Je vous donnerai l'adresse. Il a créé un blog et vous trouverez l'adresse du blog sur le site. Voilà, Esprit Critique. Caroline Lebossé va nous l'indiquer tout de suite avec ses petites mains. Merci Frédéric Pommier. Esprit Critique. Nous sommes nombreux à l'avoir découvert au collège ou au lycée dans le cadre de lectures imposées, mais lire Vendredi ou La vie sauvage, puis Vendredi ou Les lames du Pacifique devenait une lecture tout court et même souvent une lecture marquante. Que devient l'ami du président Mitterrand, celui qui aime tant faire passer de la philosophie dans ses contes ? Il est toujours juré Goncourt et il écrit dans son beau presbytère au volet bleu, à Choisel, dans la vallée de Chevreuse. Michel Tournier, 85 ans, marche difficilement avec des béquilles, mais il garde son enthousiasme quand il évoque la littérature et quand il parle de lui. La réalisation est de Marie Casanova. Les livres, c'est mon problème. Vous voyez, il y en a plein le tapis. Périodiquement, j'ai des amis qui viennent et qui repartent avec un carton de livres. Ça m'évite de les jeter. Je ne peux pas jeter un livre. De même que je ne peux pas jeter du pain. Je ne peux pas jeter du pain parce que c'est un aliment sacré. Eh bien, le livre aussi. Alors, j'attache une grande importance dans un livre à la quatrième page de couverture. D'abord au titre. Je ne peux pas écrire si je n'ai pas d'abord et avant tout une couverture avec un titre. À mon avis, le livre doit sortir du titre. Vendredi ou les lames du Pacifique, c'est tout mon roman. Tout est là-dedans. Le roi des zones, ça doit être le titre d'une ballade de Goethe qui a été mise en musique par Schubert. Tout le roman est dans Le Roi des Zones. Voilà mon prochain livre. Il n'y a pas une seule page d'écrite. Mais vous avez le titre Mirabilia. Et ça veut dire les choses admirables. Neutre pluriel latin. Mais vous commencez toujours comme ça avec un titre et après la suite vient ? Ah oui. Quelquefois la suite ne vient pas. Mais à ce moment-là, le livre n'existe pas. Mais le titre existe et le premier acte de création. Alors, ma bibliothèque, je vous suis. On va aller la voir. Alors, tous les livres sont là. C'est beau parce que vous la regardez de loin, comme si vous aviez besoin d'un plan d'ensemble. Ah, j'ai absolument besoin d'un plan d'ensemble et de dominer les livres, même si c'est des livres que je n'ai pas ouverts depuis des années. D'abord, dans le bas, vous avez des encyclopédies. Elles ont été utiles à écrire vos livres ? Ah oui, ça je pioche là-dedans. Robert de la peinture, Robert de la littérature. Là, vous avez des vieux Larousse du début du 19e siècle. Vous avez le dictionnaire des philosophes. Pour vous dire, je suis germaniste, c'est mon dada. Vous avez Schelling, les œuvres complètes de Schelling. Vous avez Hegel en allemand. Et alors ça, c'est particulièrement important. C'est les 25 volumes de l'encyclopédie Mayer. Il y a tout là-dedans, vous voulez tout. Par exemple, il vous donne non seulement l'année de la naissance et l'année de la mort, mais le jour. Alors je suis vexé parce que si vous cherchez Tournier, vous trouvez le jour de ma naissance, il n'a pas mis le jour de ma mort. C'est ça qui m'intéresserait d'avoir, n'est-ce pas? Eh bien, j'y suis pas. On peut regarder Tournier dedans? Ah ben oui, si vous voulez. Vous êtes né en, je peux dire la date? 19 décembre 1924. Je confirme. Ça vous permet de faire des constatations. Par exemple, Shakespeare, l'écrivain anglais le plus célèbre. Cervantes, l'écrivain espagnol le plus célèbre. Ils sont morts la même année, le même jour, à savoir le 23 avril 1616. Mort de Shakespeare à 52 ans, mort de Cervantes à 69 ans. Pour tout vous dire, je préfère Cervantes. On continue d'inspecter la bibliothèque? Ah ben vous voulez? Ah oui. Alors, pour moi, j'ai un grand sujet, c'est les traductions. Et vous avez là une chose rarissime, Le Roi des Zones et Vendredi. Vous regardez la couverture, ça tient à l'envers, c'est l'hébreu. C'est très rare d'être traduit en hébreu. Est-ce qu'il vous arrive de relire des romans de Michel Tournier? Oui, mais avec irritation, parce que j'aurais envie de les réécrire. Je ne suis pas du tout content. D'abord, j'ai commencé très tard. Vous n'avez pas beaucoup d'écrivains qui ont publié pour la première fois. 42 ans! Et ça, pour une raison très simple, c'est que je n'avais pas envisagé, à l'origine, de faire une carrière littéraire. Je voulais être philosophe. Mon modèle, c'est Kant, c'est Spinoza, c'est Hegel, c'est Heidegger, ou Sartre, surtout. Quand Sartre a publié « L'être et le néant », qui est quand même un livre monumental, nous étions, Gilles Deleuze et moi, à la Sorbonne, en licence de philo. Vous pensez, on a pris ça en pleine figure. Ce livre énorme qui arrive, monumental, encyclopédique, qui nous tombe sur la tête. Nous nous téléphonions tous les jours pour nous dire où nous en étions de la lecture de « L'être et le néant ». C'était notre dieu, en quelque sorte. Alors, quand ensuite... Beaucoup plus tard, j'ai renoncé à la philosophie. Mon meilleur ami était Gilles Deleuze. Et quand j'ai commencé à publier de la littérature, il s'est un peu moqué de moi. Il était très, très négatif, Deleuze. C'était un ami très difficile. Bien qu'il ait fait une préface pour Vendredi. Mais c'était vraiment pour me faire plaisir. Et j'ai écrit mon premier livre, Vendredi aux limbes du Pacifique. Le succès a été foudroyant. Je n'avais pas le choix, il fallait tout de suite, j'étais trop vieux pour attendre. Il ne s'agissait pas de faire des livres de jeunesse. Et puis alors, le second, 4 ans plus tard, Le Roi des Zones, c'était le prix Goncourt à l'unanimité. Donc vous voyez, vraiment, j'ai eu un démarrage foudroyant, mais tardif. Finalement, elle est assez petite, cette bibliothèque-là. C'est-à-dire que ici, vous avez conservé quoi, outre les dictionnaires, peut-être d'essentiel? Vous savez, comme romancier, j'ai forcément un dieu qui est Balzac. Un auteur, selon moi, géographique. Par exemple, Eugénie Grandet, vous avez 50 pages de description d'une ville, des rues, des magasins et de la campagne environnante avant de commencer l'histoire. Ça, c'est Balzac. Et puis, vous avez des villes de province que Balzac a vraiment épluchées, rue par rue. Et pour moi, c'est fondamental. N'est-ce pas? Je suis essentiellement un auteur géographique. Par exemple, Le Roi des Zones, vous me direz, c'est la guerre, etc. Oui, mais c'est aussi la Prusse orientale. C'est le paysage, les tranchées, l'hiver dans les tranchées. Mon père avait fait Verdun. Il était gueule cassée, la mâchoire était rafistolée. Et il y en a un que j'ai beaucoup admiré, c'est Julien Gracq. Là aussi, je vous dirais, Julien Gracq était professeur de géographie. Et je ne connais pas un écrivain qui décrive un paysage comme Julien Gracq. Une rivière, une forêt, une route, un village, C'est incomparable. Julien Gracq, écrivain paysagiste numéro 1. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. Je voudrais vous poser une question sur François Mitterrand. Vous en avez beaucoup parlé, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je me souviens, adolescent, quand vous disiez François Mitterrand est venu, il s'est posé en hélicoptère dans le jardin de mon presbytère. C'était vrai tout ça, ça s'était produit. Ça avait commencé comme ça, c'est à cause de la photo. Il y avait un photographe allemand qui avait fait un livre de photographie sur Mitterrand. Et il m'avait demandé de faire la préface. Un jour, il me téléphone et il me dit: j'ai rendez-vous avec le président. Est-ce que vous voulez venir le voir avec moi ? Et nous nous sommes retrouvés à l'Élysée. Il a regardé les photos. Et puis, il m'a dit en partant: j'ai entendu dire que vous habitiez un presbytère dans la vallée de Chevreuse. Je lui ai dit: oui, monsieur le président. Si vous m'invitez, je viens. Ben, je lui ai dit: je vous invite, monsieur le président. Et c'était au mois de mai. Et au mois d'août, coup de téléphone, ici le secrétariat d'Élysée. Le président Mitterrand demande s'il peut venir déjeuner chez vous tel jour. J'ai été affolé. J'ai dit: oui, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas l'habitude, moi, je ne reçois personne ici. Alors, ça a été un branle-bas de combat. La gendarmerie surveillait la rue. Il y avait des attroupements dans la rue. Eh bien, il en a pris l'habitude. Et il est venu 4 fois. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature contemporaine, disons de l'époque, toujours. Claudel, Valéry, Gide, Martin Dugard, à travers la NRF. Tout d'un coup arrivait cette littérature-là. C'était la fascination, mais une formidable fascination. Mais comme j'étais d'une nature assez timide, je ne pensais même pas pouvoir leur parler. D'ailleurs, je n'ai pas essayé. Alors j'allais comme ça dans des conférences, des confrontations, les voir, les entendre. Et puis, cela excitait mon esprit. Est-ce que vous parliez de littérature ? Naturellement, on ne parlait que de ça. Je pensais bien qu'on n'allait pas parler de politique. Il venait toujours un dimanche. Il était là pour s'aérer, hein, pour se faire du bien. Le grand auteur dont nous parlions, c'est Zola. D'ailleurs, je le considère comme un de mes maîtres. Zola disait: il y a un grand sujet, c'est par exemple les paysans, ou alors il allait plonger dans les labours, ou bien les mines de charbon. Et il n'y avait pas mis les pieds. Alors il partait. Et il descendait au fond de la mine. Et ensuite, il rentrait chez lui, il écrivait Germinal, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Michel Tournier, je vais vous laisser chez vous, dans votre presbytère. Ce soir, est-ce que vous allez ouvrir un livre ? Est-ce que vous aurez une envie particulière, peut-être ? Oui, il est possible que je me plonge dans Thomas Mann, qui est un auteur allemand que j'aime infiniment. Et j'ai traduit un roman de lui, L'île d'Espérance. Mais alors je me plongerai dans l'original. Je ne vais pas me plonger dans ma traduction, ça me ferait mal. Michel Tournier, devant ses livres, je vous souhaite un excellent week-end. Merci Vincent Josse.